tropique. C'était 1967, une émission de Philippe Garbi, réalisation Clotilde Pivin. Bonjour. En 1967, on ne se pend pas au rideau du Palais du Festival à Cannes pour interrompre la projection d'un film ou le festival lui-même. En 1967, l'anachronisme n'a pas cours. De plus, il eût été dommage de se passer cette année-là, en plus de la présence pour une soirée de gala d'une Brigitte Bardot au sommet de sa forme, de certains films comme « J'ai même rencontré des Tziganes heureux »,« Blow Up »,« Accident »,« L'incompris », sans oublier « Mouchette » ou « Elvira Madigan ». Donc, le Festival de Cannes a bien lieu, et les jurés sont présents, efficaces et pertinents, ainsi que le prouve l'émission qui vient, Connaître le cinéma, diffusée pour la première fois sur France Culture le 20 mai 1967. Connaître le cinéma, par Philippe Henault et Jean Mitry, avec le concours de Pierre Billard et de Nicole Geisweiler. Cannes 67. Les lampions sont donc éteints sur la croisette et vous connaissez sans doute déjà le palmarès de ce 20e festival de Cannes. Je le rappelle rapidement, hommage du jury à Robert Bresson pour son film Mouchette, grand prix du festival à Blow Up de Michelangelo Antonioni présenté par la Grande-Bretagne, je le souligne, grand prix spécial du jury ex aequo Accident de Joseph Losey, Grande-Bretagne, et J'ai même rencontré des Tziganes heureux de Alexander Petrovitch, Yougoslavie. Prix de l'interprétation féminine à Pia Degermark pour Elvira Madigan de Bovidersberg, Suède. Prix de l'interprétation masculine Odette Kotler pour Trois jours et un enfant de Uri Zohar, Israël. Prix du scénario ex aequo Jeu de massacre d'Alain Gessua, France, et À chacun son dû d'Elio Petri, Italie. Prix de la mise en scène 10 000 soleils de Ferenc Kozma, Hongrie. Et prix de la première œuvre Le vent des Aurès de Mohamed Lakhdar Amina, Algérie. Notre correspondant particulier, Pierre Billard, est à nos côtés. Il est revenu bronzé et peut-être un peu fatigué tout de même parce qu'il a vu beaucoup de films. Oui, je crois que j'ai vu les 24 films présentés en compétition, les 10 films de la semaine de la critique, ça fait 34. Une vingtaine environ au marché du film, ça doit atteindre le 55 à peu près, ou 60. Enfin. Oui, on peut voir une soixantaine de longs métrages au cours de cette quinzaine du Festival de Cannes. On peut voir 4 films par jour, on pourrait en voir plus, je veux dire, on nous en propose davantage, et on arrive en moyenne à en voir 4, ce qui est une grande satisfaction, et la raison pour laquelle, personnellement, je me refuse à jamais dire du mal des festivals tant qu'ils vous offrent cette occasion, parce que pour quelqu'un dont c'est à la fois le métier et la passion, je ne vois pas de choses plus heureuses et plus passionnantes que de pouvoir voir 4 films par jour. Ce palmarès que vous venez de lire, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je ne sais pas quelle impression il donne vu de loin. Je veux dire que vu de près, ce n'est pas parce que notre ami Jean-Louis Borry a participé à son élaboration que je le dis, il me paraît pour une fois assez juste et évitant les grandes erreurs et les grands scandales. C'est presque une nouveauté. Oui, alors l'impression qu'on a de loin, avec tous les échos reçus, c'est un honnête palmarès couronnant un festival d'une qualité moyenne assez intéressante, mais au milieu de grincements de dents, de courriéristes, de potineurs qui semblent déçus parce que traditionnellement Cannes était une foire commerciale environnée de mondanité avec quelques scandales publicitaires, n'est-ce pas, les starlettes déshabillées, les yachts, le champagne qui coule à flot. Est-ce que le festival donne maintenant dans l'austérité, la solennité, la culture? Est-ce que c'est regrettable? Écoutez, d'abord, il ne faut pas dire la solennité, l'austérité, la culture, comme si la culture était synonyme d'austérité. Il donne davantage dans la culture, ce qui pour les courriéristes est synonyme d'austérité, mais qui pour les cinéphiles ou les amoureux de cinéma constitue un progrès notable. Je crois que ça fait la 13e ou la 14e année que je suis le Festival de Cannes, et je dois dire qu'au début, les représentants de revues culturelles de cinéma, ou enfin les cinéphiles en général, se sentaient un peu perdus à Cannes. Je me souviens de l'époque glorieuse où Ado Kirou avait loué une bicyclette et allait la ranger à côté des Rolls-Royce du parking, du festival. Il y avait dans ce geste une provocation qui symbolisait assez bien ce que nous étions, nous, les petits fanatiques, à côté du vrai monde du Festival de Cannes, qui étaient les producteurs, les starlettes et les photographes. Qui avaient acheté des Mercedes à crédit. Et qui les revendaient immédiatement. Le festival, à cette époque-là, rendait compte, à sa manière, de ce qu'était le cinéma à cette époque-là. Ou en tout cas, de ce qu'il était dans l'esprit du plus grand public et dans l'esprit de ceux qui le faisaient. Eh bien, en 14 ans, le cinéma a changé, l'aspect culturel du cinéma s'est mieux affirmé, l'aspect artistique du cinéma a progressé, et le Festival de Cannes, d'une manière peut-être inconsciente, partiellement voulue, mais aussi d'une manière sui generis, reflète cette évolution. Et aujourd'hui, le Festival de Cannes se consacre pour une partie beaucoup plus considérable à montrer des films, à juger des films, à faire venir des metteurs en scène. On se flatte à une réception d'avoir 25 metteurs en scène alors qu'on se serait flatté il y a 15 ans d'avoir 50 vedettes. Je ne suis pas du tout contre les vedettes. J'ai grand plaisir à rencontrer, par exemple, Jerry Lewis, qui est une vedette sur tous les plans, ou Brigitte Bardot. Mais je reconnais que la vie culturelle du Festival de Cannes s'est activée, s'est intensifiée, et que le cinéphile ne s'y sent plus en paria. On a l'impression d'ailleurs que ce sont les metteurs en scène qui sont devenus les vraies vedettes du cinéma. Absolument. On avait chaque soir la présentation d'un film en présence du metteur en scène. Et je vous assure qu'à la sortie sur les marches du palais où se pressent les photographes, c'est le metteur en scène qui est le centre de l'intérêt. Les grincements de dents auxquels vous faisiez allusion tout à l'heure viennent justement de gens qui ont été les éléments pour qui le festival était organisé à une certaine époque et qui commencent à se sentir parasitaires, mais moi je crois que c'est un progrès et non pas un défaut. Oui, mais alors quel public? Car se pose un nouveau problème, on nous le dit très souvent, le public se coupe en deux, on fait un cinéma intellectuel pour une petite élite et existe d'autre part un cinéma de grande consommation que ces élites auraient tendance à mépriser, à négliger. Pensez-vous que Cannes ait trouvé l'équilibre entre les besoins d'un grand public et, disons, les œuvres de qualité? Je ne crois pas que Cannes ait trouvé cet équilibre. S'il l'avait trouvé, il aurait résolu un des plus grands problèmes de la production cinématographique à l'heure actuelle. Je pense qu'il a une orientation visant à résoudre cette partition et que cette optique en soi est déjà une qualité. Ceci dit, il est exact que l'on peut voir au Festival de Cannes un film comme Terre en transe de Glauber Rocha ou 10 000 soleils de Ferenc Kossa, accueilli avec froideur, dépit ou une certaine ironie méprisante par la partie public authentique, payant sa place, ou public normal venant de Cannes. Et par les commerçants, alors que la critique les accueille avec enthousiasme. Par contre, quand passe un film... J'ai tué Rasputin. Quand passe J'ai tué Rasputin, ou quand passe le film italien L'Incompris, de Comencini, qui est un mélodrame à vocation uniquement commerciale, c'est le mépris et les ricanements qui règnent dans les 25 rangs de la critique, alors que le reste du public pleure et à la fin applaudit. Donc la division, elle reste. Ce que je crois bien, c'est que ces deux genres de films-là soient présents à Cannes. C'est qu'on puisse se disputer, s'affronter autour de ces deux voies. Qu'on ne la résolve pas, c'est normal. Le Festival de Cannes ne peut pas résoudre les problèmes de base qui se posent au cinéma mondial. Qu'il permette au moins de poser ces problèmes, qu'il permette d'en mesurer l'ampleur, qu'il permette à ces deux publics, je ne dirais pas de s'interpénétrer, car l'interpénétration est bien faible, mais en tout cas de se frôler, de se connaître un peu, c'est déjà un progrès. Oui, il me semble aussi qu'un festival qui est à la fois une manifestation mondaine, commerciale, informative, culturelle, a pour nécessité bien difficile de refléter la production mondiale de l'année. Alors, pensez-vous que sur le plan de la représentation des nations, ce soit fait, il semble, d'après votre compte-rendu de l'émission précédente, qu'il y ait eu quelques lacunes? Et d'autre part, est-ce que sont représentés les grands courants, les grandes tendances, les principaux genres? Oui. Il est évident que dans un festival, on montre un nombre limité de films Et ces films ont été choisis par des comités de sélection divers. Comités de sélection nationaux, comités de sélection du Festival de Cannes lui-même. Et qui dit comité de sélection dit erreur, dit optique particulière, dit intérêt en jeu qu'il s'agit de ménager. Il est évident que cette sélection aboutit à fausser l'image du cinéma mondial qui nous est présenté. Il est évident que, en 1967, le cinéma américain, le cinéma soviétique, le cinéma japonais, indien, n'ont pas atteint le degré zéro dont témoigne le Festival de Cannes en ne présentant aucun film japonais, aucun film indien, en présentant deux films soviétiques et un film américain qui sont des films mineurs et presque détestables. Donc, il y a là quelque chose de faussé. Et même cette déviation, en quelque sorte, elle est intéressante à analyser. Le refus des Américains de venir à Cannes, c'est-à-dire la grande peur qu'ils ont de mettre des produits commerciaux dans une entreprise qu'ils considèrent comme trop culturelle, elle témoigne à sa manière de l'orientation du cinéma américain. L'absence des Soviétiques, l'absence d'œuvres de valeur de cinéma soviétique, elle est intéressante puisqu'un film de très grande qualité, Roubloff, avait été choisi et que ce sont les Soviétiques qui n'ont pas voulu qu'il vienne parce qu'il donnait une image trop dure, trop cruelle, trop violente du passé, de l'histoire de la Russie. Donc cette abstention témoigne encore des préjugés, des inquiétudes des officiels soviétiques. Donc, sur un second plan, en quelque sorte, c'est un phénomène qui reste intéressant. Ceci dit, c'est quand même ennuyeux d'en être réduit à analyser des absences. Sur le plan des présences, je crois que le festival donne quand même une image assez juste de la situation générale du cinéma dans le monde, y compris de ses difficultés, de ses embarras, des questions qu'il se pose et qu'il ne résout pas. Il y a une chose qui me frappe beaucoup, c'est que une grande partie de la critique à l'heure actuelle semble ne s'intéresser qu'à ce qu'on appelle le jeune cinéma et semble n'attendre d'un festival que des révélations. Dès qu'un metteur en scène a déjà une petite réputation, on le considère avec mépris dans un festival. Et j'avoue que je ne comprends absolument pas cette attitude. On peut ne pas aimer Blow Up, c'est une question de conscience et de goût personnel, mais M. Michelangelo Antonioni, même s'il a déjà fait 10 films, est un monsieur qui mérite qu'on s'intéresse à ce qu'il fait. On peut ensuite le critiquer, mais dire avant de voir le film, mais qu'est-ce qu'on a à faire avec un film d'Antonioni, on sait ce qu'il peut faire, on le connaît par cœur. Cette espèce d'attente un peu enfantine, et en fait je dis enfantine mais je pense infantile, cette volonté de découvrir quelque chose qui n'a jamais été fait par quelqu'un qui n'avait jamais fait de film avant, venant d'un pays où il n'y avait pas de cinéma, je trouve ça un peu ridicule. Si ça peut aider les nouveaux efforts des jeunes cinéastes, c'est très bien, mais à condition de ne pas mépriser à côté les œuvres essentielles du cinéma. Accident, c'est un film important. Blow Up, c'est un film important. Mouchette, c'est un film important. Chacun de ces films-là est plus important que tous les premiers films qu'on a vus à Cannes. Alors, il y a dans cette optique et dans cette critique porté au Festival de Cannes de consacrer au lieu de révéler quelque chose qui me paraît faux, mais encore intéressant, parce qu'il témoigne de ce mépris de la critique actuelle pour les œuvres achevées et de son intérêt pour les œuvres mineures, pourvu qu'elles soient des découvertes. Impression d'un juré. Eh bien, un festival, ce sont des films, ce sont des manifestations extérieures et parallèles, ce sont des personnalités, ce sont des bousculades, ce sont des photographes, ce sont des vedettes. Et puis, heureusement ou hélas, je ne sais pas, c'est aussi un palmarès qui, généralement, prétexte aux plus grandes discussions, sinon aux plus grands scandales. Alors nous avons devant ce micro, l'un des responsables du palmarès, pour une fois qu'on a pu en coincer un et qu'on le tient bien, on va essayer de savoir la vérité sur la façon dont s'élabore ce document mystérieux et finalement aussi important. Jean-Louis Borry, racontez-nous un peu d'abord comme ça vos impressions. Mais d'abord, premièrement, vous ne saurez pas tout parce que je suis tenu à une espèce de secret professionnel rétroactif. Mais vous saurez tout quand même. Parce que je suis terriblement bavard et aussi peu discret que possible. Oui, d'ailleurs, si on vous a choisi, vous, parmi 11 autres, c'est bien parce qu'on sait que vous êtes le plus bavard. D'abord, j'étais affreusement déçu parce que je m'attendais à trouver des enveloppes offertes par les producteurs, dans mon casier d'hôtel le matin, sous mon rond de serviette à midi, dans l'air vert de mon habit le soir, et je n'ai rien trouvé, même pas une invitation à déjeuner. Et ça, j'étais scandalisé. et d'autre part vexé parce que j'ai cru qu'on me tenait pour quantité négligeable, ou bien inachetable. C'est une légende qui s'effondre alors. Tout à fait. Et aussi, il n'y a eu jamais exercice de pression, quelle qu'elle soit, pour tâcher de nous faire virer de bord, de nous faire voter pour tel ou tel film. Par conséquent, et ça, c'était aussi valable pour les camarades du jury que je voyais beaucoup, qui étaient Ousmane Sembène, Miklós Jancsó, le cinéaste hongrois auteur du film Les Sans Espoirs, le jeune étudiant qui a été le voix sympathe du festival, qui était René Bonnel. Je les voyais très souvent, je bavardais avec eux tous les jours, très régulièrement, et les enveloppes et les invitations à dîner et les pressions étaient également pour eux mythiques. Ah, et ça, vous le dites avec une nuance de regret. Mais bien sûr, parce que... Oui. Pour quelle raison avez-vous accepté d'être juré? Ça vous amusait? Oui, ça vous... je voulais savoir comment ça marchait, comment ça se goupillait. J'étais très content qu'on m'offre l'occasion d'assister un peu aux manœuvres, si vous voulez, vu du côté de la coulisse. C'est ça, oui. Vous revenez avec... Mais plutôt réconforté. Pas parce que le palmarès est plus mauvais ou meilleur qu'un autre, mais de voir que le jeu se joue assez proprement. Est-ce que, en regardant les films, vous aviez un regard de juré différent de votre regard de critique? Est-ce que vous aviez une façon de vous asseoir dans votre fauteuil, une façon de mettre votre cravate, une façon de parler, car je sais que vous n'en portez jamais, et une façon surtout de considérer le film qui n'est pas celle que vous avez ordinairement? C'est-à-dire que j'avais l'impression même que le fauteuil était différent, il était plus confortable parce que j'étais juré. Et c'est exact, parce qu'il y a, si vous voulez, dans le regard que juré je portais sur un film... Il y avait exactement la position du professeur. Vous savez que je suis professeur par vocation et par métier, je dirais même presque par tempérament. Et il y a la différence qu'il y a entre un examen et un concours. Critique, bon, on examine le film, pas forcément en fonction d'autres films. Juré, on examine le film, mais on garde en mémoire, on essaie du moins de garder en mémoire le niveau atteint par les autres films, puisqu'il s'agira aussi bien en fin de course de faire un classement, enfin d'essayer un palmarès. Quelles ont été pour vous les révélations de ce festival, les moments forts, les émotions, les... D'abord, incontestablement, Blow-up d'Antonioni, auquel je trouve tout à fait normal que la palme revienne. Blow-up m'a fortement impressionné. J'ai adoré le Lauzet également, Accident. J'ai beaucoup aimé le Suédois, Bo Widerberg, et j'ai beaucoup aimé le Yougoslave, j'ai même rencontré des Tziganes heureux. Et ensuite, mais d'une façon générale, d'ailleurs, le niveau de cette année, je l'ai trouvé plutôt bon, parce qu'il y avait un film israélien de Zohar, Trois jours et un enfant, que j'ai aimé, un film algérien, Le vent des Orestes, de Lakhdar Amina, que j'ai aimé, Le Glauber Rocha, film brésilien Terre en transe, qui m'a beaucoup impressionné. Vous voyez déjà, simplement six films qui pour moi ont été des moments, enfin de bons moments et même de très bons moments de cinéma. Et je ne parle pas de Mouchette, tout de même de Robert Bresson, parce que pour moi, la présence du film Mouchette de Robert Bresson était gênante, parce que voir un film comme ça en compétition, c'est comme si on essayait de donner, je ne sais pas moi, le prix Goncourt à Aragon. Enfin, ça ne représente pas grand-chose pour Bresson d'être en compétition, c'est ridicule. Tous les titres que vous avez cités, à une exception près, on les retrouve au palmarès. Ça semble indiquer que vous avez On s'est battu pour ces films-là. On, c'est la bande à Boris. Oui, la bande à Boris. Vous aviez perdu quelqu'un dans votre bande en cours de route. C'était Lelouch qu'on a perdu en cours de route. Qu'est-ce qui s'est passé là? Racontez-nous un peu cette histoire. Ça, on peut le raconter parce que la presse en a fait largement état. Lelouch, vous savez, c'est un Africain du Nord, il a le sang chaud, et lorsqu'il a vu le film Yougoslave, il a été absolument frappé d'amour, il a eu un coup de foudre pour le film de Petrovic. Et il a commencé tout de suite une campagne virulente à l'intérieur du jury pour ce film, et en cours de festival, il a pris des intérêts dans la distribution, ce qui d'ailleurs, je veux dire que j'aurais trouvé normal, évidemment, s'il n'avait pas été juré. Bien sûr. Mais que Lelouch dise, voilà un film admirable que je trouve extraordinaire, si je m'en occupe pas ou si on ne s'en occupe pas, il ne va pas sortir en France ou il sortira dans des conditions déplorables, j'ai envie de me battre pour ce film. Malheureusement, il a acheté un peu trop vite le film pour lequel il n'a pas pu se battre au jury. Bon, donc quand vous avez donné un prix... j'ai même rencontré des Tziganes heureux, c'est en dehors de ses influences. Tout à fait. Et pour rendre hommage aux qualités réelles, incontestables de Petrovitch, qui à mon avis est un grand cinéaste et dont le film est une très belle œuvre. Vous avez fréquenté au jury des gens que l'on connaît bien, que l'on estime, je pense à tous bien entendu, mais je pense plus spécialement à quelqu'un comme Minelli, qui est quand même... Minelli m'a fasciné. Quelle attitude il a eue, quel intérêt il porte au cinéma tel qu'on peut le juger à travers... D'abord, il a fait son métier provisoire de juré avec une extraordinaire passion et un scrupule incroyable, se renseignant sur les films, sur les auteurs quand on pouvait le renseigner, etc. Et alors il était très fascinant à regarder pendant les discussions et même pendant les projections parce que il me paraît d'une extraordinaire nervosité. Il ressemblait à une levrette frémissante, avec des tics dans la bouche, écrasant ses cigarettes, allumant une cigarette, remuant la tête et habillé d'une façon qui ressemblait à un décor de ses films. Il était son propre décor, il arrivait dans des chemises, enfin je ne parle pas pour les soirées naturellement, il était en smoking, mais pour les séances du matin à l'après-midi, il arrivait avec un col roulé noir, mais quel col roulé noir, avec veston paille et pantalon paille, et il était donc très minellien. Et ensuite, il faisait son métier avec beaucoup de fièvre. Véritablement, c'était la fièvre qui l'habitait. Et sur le plan des contacts humains, quelle a été... Charmant, vraiment la gentillesse même, ne parlant malheureusement pas un mot de français, mais très bavard dès qu'on s'adressait à lui en anglais. Vous avez parlé tout à l'heure du cas posé par Mouchette, qui, posé en termes plus généraux, pose le problème suivant. Un festival, et notamment un palmarès de festival, c'est plutôt destiné à révéler des gens, à aider les jeunes metteurs en scène ou des réalisateurs qui ne sont pas connus, ou bien, malgré tout, on doit s'incliner devant la hiérarchie des talents et quand les plus grands sont les plus connus, primer les plus connus. Découverte ou consécration. Lorsque la consécration pour un immense public coïncide avec une découverte, ça c'est bien. Couronner Antonioni, c'est peut-être une consécration pour les cinéphiles. Ce n'est pas une consécration pour un immense public. C'est vrai, oui. Couronner Lauzet, c'est une consécration pour les gens qui aiment le cinéma et qui y vont. Ce n'est pas une consécration pour les gens qui disent « Tiens, il a la Palme d'Or !» et qui iront voir peut-être accident parce qu'il est le prix spécial du jury. Donc là, il y a des consécrations qui risquent d'être découvertes. C'est ça, oui. Ça indique aussi indirectement c'est qu'il y a un espèce de jeu tactique qui se joue l'attribution de ces palmes. Le mouvement du cœur vient d'abord et puis ensuite il y a la réflexion. Il me semble qu'une des caractéristiques de ce palmarès, c'est que, à la différence de beaucoup de palmarès précédents du Festival de Cannes, il n'a pas accepté de compromis sur le plan des nationalités. Souvent, on s'arrangeait pour qu'il y ait un film italien, un film américain, un film soviétique. Or, je crois qu'il n'y a eu que deux palmarès depuis le début du Festival de Cannes où le cinéma américain n'avait pas de prix, et il n'y en a eu aucun où le cinéma soviétique n'avait pas de prix. Vous, ni le cinéma américain, ni le cinéma soviétique n'a de prix. Je ne m'en réjouis pas en général, mais je constate que ça correspondait exactement à la valeur des films qui étaient présentés, qui n'étaient pas de grande valeur pour les Américains et nuls pour les Soviétiques. Est-ce que des problèmes de cette nature se sont posés au moment de la délibération du jury? Est-ce qu'on vous a posé des questions en termes de reconnaissance nationale? Absolument pas. Simplement, il y a eu un moment où on a dit « Ah, tout de même, il serait dommage que la France n'ait rien. Ah, tout de même, il serait dommage que l'Italie n'ait rien. » Alors, l'Italie et la France, lisez le palmarès, ont eu un petit quelque chose. C'est ça, oui. Bon. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir pris plaisir au film de la même manière, avec autant de satisfaction, autant de bénéfices intérieurs, que lorsque vous avez vu les films en simple critique? Avec un petit peu moins de liberté quand même. Un petit peu moins de liberté parce que ensuite on a discuté avec mes camarades de jury, là les trois ou quatre avec que je voyais toujours, certainement avec moins de liberté que d'habitude, parce que je pensais toujours à établir des comparaisons avec le film que j'avais vu le matin ou la veille, le film que j'avais vu le jour avant, à tenir constamment, si vous voulez, sous mon regard intérieur, la quasi-totalité des films projetés, ce qui, au fur et à mesure que le temps se déroulait, devenait de plus en plus difficile, de plus en plus délicat. Un sentiment de responsabilité accru, tout de même, un sentiment de responsabilité réel. Mais finalement, ce travail auquel vous vous livriez, c'est celui auquel vous vous êtes livré longtemps. Ça consiste à noter des copies, non? Exactement, c'est-à-dire à corriger un concours. Connaître le cinéma, Festival de Cannes, par Philippe Hainaut et Jean Mitry, avec Pierre Billard. Première diffusion sur France Culture, le 20 mai 1967. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. irai peut-être au paradis, mais dans un train d'enfer. Je n'ai besoin de personne, non, Harley Davidson. Je ne reconnais plus personne, non, Harley Davidson. Et si je meurs demain, c'est que elle était mon destin. Je tiens bien moins à la vie qu'à mon terrible engin. Après Brigitte Bardot, comédienne venue à la chanson, il est tentant de découvrir le héros de l'émission d'hier, chanteur, qui allait passer en cette année 1967 à la comédie ou à la tragédie. Mais avant d'écouter Jacques Brel en instituteur à tort accusé de détournement de mineurs, nous entendrons tout d'abord quelques réserves émises comme un regret sur le dernier film de Jacques Tati. Cinéma Vérité. Une émission de Roger Régent avec la collaboration de Jacqueline Adler. On parlera pendant longtemps encore de Playtime. C'était le film le plus attendu et aujourd'hui, c'est celui qui alimente toutes les conversations cinématographiques. Le plus curieux d'ailleurs est que les admirateurs et ceux qui font les réserves sont tous d'accord sur l'auteur. On n'est pas contre Jacques Tati. Il représente une valeur trop rare dans le cinéma pour qu'on le récuse. Quant à ne pas émettre quelques critiques sur sa dernière œuvre, c'est évidemment trop demandé, même à ses plus fidèles et fervents admirateurs. Ce qui est généralement reproché au film, c'est son extrême longueur. 2h30 de projection pour une œuvre comportant un sujet, d'ailleurs unique et sans prolongements annexes, mais pas d'histoire, pour une œuvre pratiquement sans dialogue ni scène vraiment construite, pour une œuvre enfin qui doit tout à une succession de gags visuels, 2h30 c'est évidemment trop long. Jacques Tati en a eu conscience. Et depuis la première, il s'est décidé à faire d'importantes coupures. Playtime en sera certainement amélioré. Mais ses réserves étant faites, il faut bien dire que le film est d'un esprit et d'une richesse d'invention délicieux. Et le personnage de M. Hulot est toujours aussi savoureux. Après les petits bourgeois des vacances et les gadgets de mon oncle, c'est à la civilisation fonctionnelle qu'il s'en prend. Ou plutôt à ses outrances, et à ce qu'elle a de concentrationnaire, non dans son architecture, qui est souvent belle, mais dans l'usage que l'on en fait. Quelqu'un a dit que Playtime, parce que l'on y moque un certain modernisme, plairait aux vieillards, aux gens fatigués et à ceux qui admirent l'architecture du Sacré-Cœur. Le jour où j'ai vu le film, il y avait autour de moi dans la salle de l'Empire d'innombrables vieillards de 12 à 19 ou 20 ans qui ne semblaient pas fatigués du tout et qui riaient beaucoup. Pas toujours, certes, n'en revenons pas sur ces fameuses 2h30 de projection, mais qui riaient souvent. Dieu merci, car si l'on perdait le sens de l'humour et le goût de la satire, ce serait vraiment cela le vieillissement. C'est tout ce que nous souhaitons à nos auditeurs de garder dans cette année qui va commencer. La musique de Playtime a été composée par Francis Lemarc. Elle comporte plusieurs thèmes. C'est le thème du manège que vous entendez en ce moment. André Cayat est l'un des rares metteurs en scène et peut-être le seul en France dont les films soutiennent une thèse. Pas tous, certes. Il a aussi réalisé des œuvres purement romanesques ou sentimentales comme Pierre et Jean de Maupassant, Les Amants de Vérone et quelques autres. Mais dans l'ensemble, tous ces films défendent une idée généralement d'ordre social ou juridique, ce qui est d'ailleurs à peu près la même chose. Or, dans son dernier film, Les risques du métier, il expose des faits plutôt qu'il ne plaide une cause. Bien sûr, il a, en nous racontant simplement ce fait divers, une arrière-pensée, nous faire prendre conscience de la fragilité de la justice et des imperfections de notre législation. Mais de cela, il nous parlera tout à l'heure lui-même. Écoutons d'abord quelques scènes des risques du métier, elles donneront le ton de l'ouvrage. Nous sommes dans une petite ville normande. L'instituteur M. Doucet a remarqué depuis quelques jours le comportement bizarre d'une de ses élèves, Catherine Roussel, qui, très appliquée jusque-là, ne fait plus ses devoirs, n'apprend plus ses leçons et lui marque une hostilité déclarée. En outre, il a reçu la semaine précédente un cadeau anonyme, un briquet, et sa femme Suzanne lui a rapporté les bruits qui courent dans la ville. C'est Catherine qui lui aurait offert ce briquet, et elle posséderait en outre une photo que l'instituteur lui aurait remise lui-même. Devant de telles élucubrations, M. Doucet décide d'en avoir le cœur net. Après la classe, il garde Catherine et l'interroge. Le rôle de Catherine Roussel est joué par la jeune Delphine Desieux. L'instituteur, c'est Jacques Brel qui fait dans ce film ses débuts au cinéma. Catherine, j'ai l'impression qu'il se passe de drôles de choses là-dedans. Et je voudrais bien savoir quoi. C'est toi qui m'as offert ce briquet? Non. Pourquoi je vous offrirais un briquet? Effectivement, il n'y a aucune raison. Seulement si les gens disent, c'est à cause de cette histoire de photo. C'est vrai qu'il y a une photo de moi? Oui. Où est-elle? Là-dedans? Ce n'est pas la peine de chercher, vous ne la trouverez pas. Elle est chez toi, alors? Ça ne vous regarde pas. Petite merdeuse, ça trimballe avec une photo de moi et ça ne me regarde pas? Et tes parents, eux, ça les regarde? Allez, range-moi tout ça, je te ramène chez toi et nous finirons bien par la trouver, cette photo. Allez! La voilà, votre photo, je ne la veux plus. Et en maillot de bain par-dessus le marché. Et tu l'as eu comment, cette photo? Tu l'as volée, hein? Bien sûr. Et pourquoi l'as-tu volée? Pour épater tes petites copines? Elles vont bien rigoler, tes petites copines. Parce que comme ça, tout le monde pourra en profiter. Allez, range-moi tout ça, allez. Fiche-moi le camp. Va jouer à la poupée et faire tes devoirs. Allez. Et essaye de revenir avec une autre tête que celle-là si tu veux qu'on redevienne copains tous les deux. Tu pourrais dire au revoir. Ce même soir, Catherine Roussel rentre chez elle en courant, décoiffée, sa robe déchirée. « Monsieur Doucet a tenté de me violer », dit-elle à sa mère. Dès lors, le scandale éclate. Et bien que le maire se montre sceptique sur le récit de Catherine, on commence à se demander dans la ville si l'instituteur est aussi innocent qu'il veut bien le dire. Suzanne, son épouse, c'est Emmanuel Riva qui joue le rôle, a une confiance totale en son mari. « Tout ce qui arrive, lui dit-elle, c'est ma faute. »« Pourquoi de ta faute ?»« Parce que nous n'avons pas d'enfant. »« Quel rapport ?»« Pour Catherine, pour ses parents, pour le maire, pour tout le monde, sans enfant, c'est comme si tu étais célibataire. »« Tu n'appartiens pas au monde des parents. » Si tu appartenais au monde des parents, les parents de Catherine ne croiraient pas leur fille. Et pour Catherine, tu serais comme son père. C'est-à-dire un vieux et pas un donjon. Et maintenant, à cause de cet enfant que nous n'avons pas, nous allons vivre un cauchemar abominable. Suzanne. Suzanne. Les parents de Catherine Roussel ont décidé de porter plainte. L'appareil judiciaire est déclenché, l'enquête commence. Maman, maman, ma robe du dimanche! Mais en quel honneur, il n'y a pas d'école? Ils sont arrivés, ils sont arrivés! C'est ça qui est arrivé! Les policiers, c'est formidable, ils vont nous interroger, comme à la télé! Et toi, il ne t'a jamais embrassé? Non, monsieur. Et tu ne l'as jamais vu avoir avec les autres filles des gestes choquants? Non, monsieur. Dis donc, ma petite fille, cette photo de l'instituteur qu'avait Catherine Roussel, tu l'as vue, toi? Oui, monsieur. Enfin une qui l'a vue. C'est celle-là? Oui, monsieur. C'est Catherine qui te l'a montrée? Non, monsieur. Ah, comment que t'as fait pour la voir, alors? Elle est tombée de ses affaires un jour dans la cour. Et elle ne t'a pas dit comment elle l'avait eue? Non, monsieur. T'es bien sûr? Oui, monsieur. Et le briquet? Ah, le briquet, tu crois que c'est Catherine, hein? Je l'ai cru. Et tu ne le crois plus? Tu penses à quelqu'un d'autre? Peut-être. Qui c'est? Hélène. Hélène qui? Hélène Arnaud. Et pourquoi donc Hélène Arnaud? Parce qu'elle est sa chouchoute. Et puis, le soir de la fête, on l'a vue aller à un rendez-vous avec monsieur Doucet. On l'a vu. C'est toi qui l'as vu. Non, monsieur, pas moi. Annette Thomas. Moi, monsieur, j'ai rien vu. C'est mes parents et mon petit frère. En attendant le feu d'artifice, ils les ont vus passer. Ensemble? Je sais pas, monsieur. Je crois que oui. Bonjour, Hélène. Bonjour, monsieur. Alors, c'est toi la première de la classe? Ce mois-ci, oui, monsieur. Ah ben, c'est bien ça. Très bien. Qu'est-ce que tu penses de monsieur Doucet? Il est très gentil. Et c'est toujours conduit correctement avec toi? Oui, monsieur. Et Catherine Roussel, tu sais ce qu'elle raconte? Tu la crois? Non, monsieur. Pourquoi? Je ne sais pas, monsieur. Comme ça. Oui, autrement dit, tu n'as pas une bonne opinion d'elle. Et la photo, t'en as entendu parler? Quelle photo? Et le briquet. T'es au courant? Oui, monsieur. Ah, bah alors, à ton avis, le briquet, qui c'est? Je ne sais pas. Mais t'as pas une petite idée? Non, monsieur. Les histoires des autres, ça t'intéresse pas, toi? Non. Malheureusement, les autres, eux, s'intéressent à toi. Qu'est-ce que tu faisais le soir de la fête sur la route de... Attends. La route de Chastenay. Oui, c'est ça, Chastenay. Alors, t'es devenue muette? Tu y as été sur la route, ou pas? Non. T'es bien sûr? Oui. Et à la fête? Tu y as été? Oui. Toute seule? Non. Avec qui, alors? Avec Brigitte. Mais dis donc, faut t'arracher les mots, toi, Brigitte qui? Brigitte Canet, c'est ma meilleure amie. T'étais avec elle pendant le feu d'artifice? Oui, monsieur. Je suis restée avec elle toute la soirée et nous sommes rentrés ensemble. Forcément. Pourquoi forcément? Parce que nous habitons ensemble. Monsieur Canet travaille pour mon père et madame Canet s'occupe de notre maison. Hélène ne t'a pas quitté une seule minute de toute la soirée? Non, monsieur. Et vous êtes rentrés à la maison ensemble? Oui, monsieur. Forcément. Écoute, Hélène. Monsieur et madame Thomas t'ont vu. Qu'est-ce que t'allais faire par là? Et t'avais rendez-vous avec un petit copain et tu veux pas que tes parents le sachent? Ah, si c'est ça, je te promets que personne n'en saura rien. Il s'appelle comment, ton Roméo? Tu veux rien dire? Bon. Tu permets que je change de musique? À nous deux, ma petite. D'abord, je vais t'expliquer quelque chose. Nous avons le droit de t'emmener tout de suite chez un médecin pour te faire examiner. Tu vois ce que je veux dire? Et maintenant, réponds à ma question. Tu es vierge? Ça ne vous regarde pas. Bon. Bon. Bon, eh ben, préviens sa mère. On va l'emmener chez le médecin. Non! S'il vous plaît. Alors, réponds, tu es vierge, oui ou non? Donc, c'est non. Eh bien, voilà un point d'acquis. Et le soir de la fête, tu es allé faire des galipettes? Avec qui? Si c'est avec un petit merde de ton âge, tu nous dis son nom. Et on te fiche la paix. Si elle ne dit rien, c'est qu'il n'y a pas de petit copain. Et c'est bien avec l'instituteur qu'elle avait rendez-vous. C'est ça que tu voulais pas dire? Oui, monsieur. Devant les témoignages accablants et concordants de quelques-unes des élèves de M. Doucet, celui-ci est arrêté. Arrive enfin le jour de la reconstitution des faits. On est dans la classe, Catherine s'assied à sa place d'écolière, on délivre l'instituteur de ses menottes. Eh bien voilà, M. Doucet est arrivé près de moi, comme maintenant. Il a posé le cahier devant moi et il m'a parlé du problème. Ça, c'est vrai. Mais pour la photo, c'est pas ce qu'il m'a dit. D'abord, il s'est assis là. Et moi, je me suis poussée. Eh ben, asseyez-vous, Doucet. Non. Non, monsieur le juge. Je suis instituteur, pas comédien. Lambert, remplacez-le. À ce moment-là, M. Doucet m'a parlé de la photo qu'il m'avait donnée. Il m'a dit qu'il fallait que je la rende parce que tout le monde le savait. Madame Doucet aussi. Non. Alors, tu as rendu la photo. Où était-elle? Dans mon cartable. Bien, allez, continue. J'ai rendu la photo à M. Doucet et il m'a dit qu'il m'en donnerait une autre, plus tard. Et il m'a embrassé. T'as embrassé comment? D'abord là, en me disant des choses. Quoi? Quelles choses? Que j'étais gentille, que j'étais jolie, qu'il m'aimait bien. Et puis tout d'un coup, il m'a serré contre lui. J'ai eu peur parce qu'il me serrait fort et que ça me faisait mal. Il m'a embrassé sur la bouche, il m'a caressé avec sa main. Je me suis débattue, je lui ai donné des coups de poing, je suis tombée par terre en sortant du banc et j'ai couru vers la porte. Monsieur le juge, je pense que vous serez d'accord avec moi pour considérer que cette reconstitution, enfin, disons plutôt ce récit, ne change rien aux deux thèses en présence. Celle de Monsieur Doucet, qui affirme n'avoir rien fait de tout ça, et celle de cette petite fille, qui me paraît avoir beaucoup d'imagination. Et en tout cas, un très grand talent de comédienne. Toutefois, je... Je demande pardon, maître. Monsieur le juge, tout ce que vient de vous raconter Catherine Roussel, c'est vrai. Mais si vous le permettez, je voudrais que nous recommencions la scène. Et je suis prêt à jouer mon rôle cette fois. Vous êtes sûr que c'est vraiment nécessaire, Monsieur Doucet? Oui, Monsieur le juge. Je vous le demande. Vous permettez, maître? Reprends ta place, Catherine. Donc, je m'approche de toi. Je pose le cahier sur la table. Je m'assois près de toi. Pousse-toi un peu. Tu me rends la photo. Je te dis des choses. Et je me jette sur toi. Je la serre très fort. Je l'embrasse sur la bouche. Je lui caresse la poitrine. Je ne sais plus ce que je fais. Elle se débat. Catherine. Catherine. Tu as oublié tes affaires. Madame Roussel, est-ce que Catherine est rentrée chez vous avec son cartable ce jour-là ? Madame Roussel baisse la tête. Catherine, ce jour-là, avait bien son cartable en rentrant. La preuve est faite. Toute cette histoire n'était bien qu'une machination d'adolescentes amoureuses de leur instituteur et jalouses les unes des autres. André Gaillat, vous êtes en somme notre grand sociologue du cinéma français et dans votre dernier film, vous exposez encore un problème social. Dans Les risques du métier, ces petites filles, on peut dire des petites filles car elles ont une quinzaine d'années, sont un peu des mythomanes, des névrosés déjà. Qu'est-ce qui vous a amené à choisir ce sujet ? Une succession de faits divers, authentiques, en particulier l'histoire de l'instituteur de l'Aude, qui il y a un an et demi est passé devant la cour d'assises à la suite d'accusations de cette sorte. C'est une histoire qui m'a intéressé parce que j'en avais vu une séquence dans une émission de 5 colonnes à la une et j'avais été troublé à la fois par l'unanimité des accusations et le comportement des enfants qui me paraissait extrêmement naturel. Donc cette séquence posait un point d'interrogation, c'est en quelque sorte pour répondre à cette question que je me suis penché sur ce sujet avec mon ami Armand Jameau. Et nous avons appris que ces sortes d'histoires étaient très très répandues, c'est-à-dire que de temps en temps, bien entendu, l'une d'elles arrive aux assises et bénéficie à ce moment-là d'un éclairage particulier qui la met en vedette. Mais en consultant le bulletin du Syndicat national des instituteurs, j'ai constaté que des histoires de cette sorte étaient très fréquentes. Bien entendu, elles étaient la plupart du temps écrasées dès l'origine. En vérité, c'est ce qui arrive à l'instituteur peut arriver à n'importe quel adulte. C'est le contact qu'il y a entre le monde des enfants ou des adolescents et le monde des adultes. Deux univers qui sont séparés par une frontière invisible. L'action du film se situe sur cette frontière invisible et en quelque sorte, l'histoire que je raconte, c'est l'histoire d'une agression, c'est-à-dire l'histoire d'un commando d'adolescents qui agresse un adulte. Et je peux même dire des adultes parce que, à travers l'instituteur, c'est le couple lui-même qui est agressé, c'est-à-dire que c'est à la fois l'instituteur et sa femme et en même temps tout le milieu social. Un des sujets donc qui est montré par le film, c'est les conditions dans lesquelles sont recueillis les témoignages d'enfants. Eh bien, l'histoire dramatique qui est contée par le film est inconcevable même dans certains pays. Pourquoi ? Parce que le témoignage des enfants est recueilli dans des conditions tout à fait différentes. Par exemple, en Israël. Eh bien, l'histoire que je raconte, je n'aurais pas pu la raconter parce qu'elle ne serait pas arrivée. Ou plus exactement, si elle était arrivée, elle aurait avorté dès le départ dans l'œuf. Pourquoi ? Parce qu'en France, un adulte est accusé d'attentat aux mœurs, d'outrage public aux bonnes mœurs, de tentative de viol. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'immédiatement, on désigne des policiers en fonction du délit, en fonction du crime, c'est-à-dire des spécialistes. Donc des spécialistes de la police des mœurs. Et on envoie dans un village, dans un milieu enfantin, des spécialistes, c'est-à-dire de gens qui vivent dans un tout autre univers et qui transportent dans ce monde villageois et dans ce monde enfantin des idées toutes faites, des conceptions, des fantasmes qui sont totalement étrangers à ce milieu. Et avec la plus parfaite bonne foi, ces policiers dirigent en quelque sorte le témoignage des enfants selon des normes qui leur paraissent à eux des normes habituelles, traditionnelles, parfaitement... De routine. De routine, exactement. C'est-à-dire qu'ils transportent une certaine routine dans un monde qui est un monde d'exception et auquel ils ne connaissent rien. Eh bien, comment se comporte le système judiciaire en Israël, par exemple ? Ils considèrent que les enfants, et ils ont raison, sont des étrangers. En France, par exemple, s'il y a un Chinois qui ne parle que le Chinois qui est impliqué dans une affaire judiciaire, eh bien la première des choses qu'on fait, c'est normal, c'est de lui fournir un interprète, faute de quoi il n'y a aucun contact avec lui, il n'y a pas de dialogue. Eh bien, les Israéliens considèrent que les enfants sont à l'égard des adultes ce que les Chinois sont à l'égard de Français. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils fournissent à l'enfant un interprète, c'est-à-dire que les enfants ne peuvent être interrogés que par des spécialistes, c'est-à-dire des pédiatres, des psychologues, des psychiatres, enfin des spécialistes de la mentalité enfantine. Et 9 fois sur 10, des histoires qui, en France, finissent par déboucher sur une instruction et même sur la cour d'assises, ces mêmes histoires, en Israël, s'arrêtent immédiatement au premier interrogatoire. Donc, je crois, j'espère, que un certain nombre de spécialistes réfléchiront à ce problème à la suite de la projection du film, et j'espère obtenir qu'un projet de loi soit déposé pour modifier le code d'instruction criminelle. Beaucoup de vos films, d'ailleurs, tendent à une réforme de la législation, que ce soit « Nous sommes tous des assassins », que ce soit « Avant le déluge » et tous les films de cette espèce que vous avez fait. Et il y a une chose assez curieuse, c'est l'espèce de prémonition que vous avez, car des faits que vous avez racontés dans vos films se sont déroulés réellement entre le moment où vous faisiez le film et où le film sortait. Oui, c'était... C'est-à-dire des gens qui n'avaient pas vu le film. Non, bien entendu, heureusement. Vous serez responsable. Ça a été vrai déjà 2 fois. Au moment de la sortie de « Nous sommes tous des assassins », il y a eu exactement la même histoire. Il y a eu un garçon qui s'appelait Demet, qui, pour des motifs identiques, des séquelles de la guerre et de l'occupation, avait commis un crime et qui a été gracié par Vincent Auriol, que j'ai vu, qui m'a demandé d'ailleurs mon opinion sur le cas de Demet et qui l'a gracié à cause du film. Mais la deuxième histoire, beaucoup plus extraordinaire celle-là, parce que la coïncidence là est très forte, c'est au moment de la sortie d'Avant le déluge. Le film qui raconte, vous savez, l'histoire d'un groupe d'adolescents qui, au moment de la guerre de Corée, de la panique, qui suivait la crainte des explosions atomiques, rêvaient de partir vers les îles du Sud avec un bateau qu'ils allaient acheter pour se procurer l'argent. Ils étaient prêts à un peu n'importe quoi. Et tout ça les conduisait aussi à un crime qui n'était pas prémédité. Le film sort à 3h de l'après-midi et à 4h et quelques, enfin 1h et quart ou 1h et demie plus tard, la même histoire arrive. Un garçon qui a laissé un nom dans l'histoire de criminologie en France, Fesque, a tué dans une banque un gardien, puis je crois un policier dans les rues de Paris, à la suite aussi d'une tentative de vol ratée. Le but de ce vol, c'était de se procurer de l'argent pour acheter un bateau avec des copains qui, dans les conditions décrites par le film, rêvaient eux aussi de partir pour les mers du Sud et d'échapper à la peur de l'explosion atomique. Jusque-là, dans tous vos films, vous aviez surtout des adultes comme personnages, des gens parfois très jeunes, mais enfin des adultes tout de même. Et cette fois, vous avez comme principaux personnages des enfants de 14-15 ans environ. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez pénétré dans ce monde très secret de l'enfance en tournant ce film ? Peut-être pas en le tournant, mais certainement en le préparant. Parce que j'ai procédé à des recherches très longues. J'ai reçu à la suite d'un appel qui était passé sur les antennes de la télévision un dimanche 7000 lettres de candidates. J'ai fait passer des auditions à plus de 200 d'entre elles et je crois que j'ai tourné 70 essais à la fin. Bon. Et donc là, je suis entré en contact avec un très grand nombre de filles de cet âge et j'ai cherché à les connaître, bien entendu. J'ai connu leurs parents aussi, c'est-à-dire le milieu dans lequel elles vivaient. Et puis je les ai vues seules. Et puis je les ai vues aussi mêlées à d'autres filles du même âge. Et j'ai assisté, bien entendu, à des transformations totales entre la gamine qui entrait et qui faisait la révérence accompagnée par sa maman ou par son papa et la petite fille qui était lâchée avec d'autres dans la pièce à côté. Il y avait vraiment une métamorphose totale. Vous comprenez, tout d'un coup, le papillon la sortait de la chrysalide. Et effectivement, j'ai été très très très troublé par ça, parce que j'ai vu à quel point les parents, même des gens avertis, des gens intelligents, des gens qui sont au courant de ces problèmes, ou qui croient l'être, des gens qui regardent la télévision, qui lisent les journaux spécialisés, qui savent que les enfants mentent, eh bien ces parents, en ce qui concerne leurs propres enfants, sont aveugles et sourds, à savoir qu'ils vous disent tous à peu près, oui, nous savons très bien que les enfants mentent, bien entendu, nous avons vu des émissions qui sont consacrées à ce problème, nous le savons très bien, mais quels enfants mentent? Les enfants des autres. Je n'en ai pas, rencontré une seule mère qui admette cette idée que sa propre fille est capable de lui mentir à elle. Ça, je n'en ai vu aucune. Or, évidemment, ça, c'est à la base d'un malentendu considérable sur lesquels est en train de s'installer la société dans laquelle nous vivons, c'est-à-dire qu'il y a un nombre considérable des millions, 20 ou 25 millions de jeunes en face des adultes, et que peu à peu, il y a deux univers qui sont en train de coexister en s'ignorant totalement. Alors revenons-en au film, si vous voulez bien, et au film proprement dit, car au fond, nous ne l'avons pas abandonné. Et qu'est-ce qui vous a amené à choisir Jacques Brel pour jouer le rôle principal de l'instituteur ? Qui n'avait jamais fait de cinéma, je crois, Jacques Brel. Je n'ai jamais imaginé un autre interprète que lui. Parce que je l'ai vu un très grand nombre de fois sur les scènes de musical, parce que je l'ai vu aussi très très très souvent à la télévision, et qu'il avait le comportement, le physique du personnage tel que je l'imaginais. C'est un homme vraiment d'une grande qualité, d'une grande solidité. C'est-à-dire que derrière la vedette Brel, derrière le chanteur célèbre, il y a un homme très profond, très simple, très droit. Et j'étais sûr que l'objectif de la caméra, qui est un appareil de psychanalyse, d'introspection, découvrirait la profondeur de ce personnage et qu'il ajouterait donc une épaisseur au scénario lui-même, étant donné que, je ne dirais pas que le rôle est passif, mais c'est le rôle d'un homme qui subit. Cinéma vérité. C'était une émission de Roger Réjean avec la collaboration de Jacqueline Adler, lecteur Robert Martin, assistante de réalisation Michel Thierry. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 30 décembre 1967. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. Samedi et dimanche prochain, à la même heure, nous quitterons le cinéma pour une exploration de la société française au jour le jour, à Paris en tout cas, des passants, des cafetiers, des propriétaires de logements, des étudiants, la France qui n'est pas la France, le racisme en France et les travailleurs étrangers. Telle est l'émission que nous suivrons samedi. Le lendemain dimanche, nous nous éloignerons de l'Hexagone. Au menu, la Chine, le Vietnam et les hippies américains. C'était 1967, une émission de Philippe Garbi, prise de son Valérie Lavalard, document INA Aude Vassan, réalisation Clotilde Pivin. Vous pouvez réécouter en ligne ou télécharger cette série sur le site franceculture.fr à la page de l'émission.